soirée, je n'ai fait qu'on fait à nous. C'est vrai que Sonia a dansé. Aujourd'hui, je n'ose plus marcher dehors de peur de te rencontrer. D'autant sourire que je ne sois oublié. Je n'en veux plus de toi, de tes regards posés là. Je n'en veux plus de toi, ne serait-ce qu'un instant. Oublie-moi, je ne faisais que passer. Aucune histoire à oublier, aucun passé à regretter. Tu me manques, éternel souvenir. Sur ma tombe sera gravé ton nom, éternel souvenir. Je n'en peux plus de toi, de tes regards posés là. Je n'en peux plus de toi, ne serait-ce qu'un instant. Ne serait-ce qu'un instant. Ne serait-ce qu'un instant. J'en peux plus de toi, ces images qui reviennent, c'est incessant. Incessant. J'en peux plus de toi, de tes regards posés là. C'est indécent, ouais, indécent. Je n'en peux plus de ces images qui reviennent, c'est indécent, ouais, indécent. Indécent, je n'en peux plus, c'est toi qui reviens, c'est incessant, incessant, incessant, je n'en peux plus, tes images qui reviennent, c'est indécent, indécent, indécent, je n'en peux plus, c'est toi qui reviens, c'est indécent, indécent, indécent. Je n'en peux plus de ces images qui reviennent, j'en peux plus.